Oui, j'ai deux questions. La première pour Marie-Paul Bas. Je voulais savoir si, pour celles de ces femmes qui restent longtemps, voire définitivement dans l'Indochine française, est-ce qu'on peut suivre leur descendance, la carrière de leur fille ou leur vie, jusqu'en 1954, à travers les différentes vicissitudes politiques de l'Indochine, pour continuer une sorte de prosopographie de cette migration féminine. Ma deuxième question est pour Isabelle, excusez-moi, oui, Lacour. Bon, moi, il m'a semblé que votre exposé, en fait, il illustrait plus le rapport du genre au nationalisme que genre, enfin, autant genre et nationalisme que genre et colonisation, parce que c'est dans tous les nationalismes qu'on trouve cette idée que les femmes doivent servir à reproduire spirituellement et physiquement la nation, enfin, produire et reproduire. Et je voulais savoir, au niveau du rapport entre les discours et les faits, par exemple, vous avez évoqué donc cette incitation à la maternité. Est-ce que réellement, par exemple, le taux de natalité, enfin, de fécondité des femmes du Yishuv a été en réalité important? Est-ce que, disons, ce rôle, entre guillemets, démographique a été effectivement réalisé? Et puis, question également, est-ce que, parce que bon, vous avez évoqué les différentes aliotes et leurs spécificités, est-ce que au niveau des pratiques des femmes, de ce qu'elles disent, on peut sentir des différences? Est-ce qu'il y a aussi des différences entre les différents courants du sionisme, travailliste, révisionniste ou autre? Merci. Il y avait là. Thank you. My name is Hadil Karkar, and I'm a doctorate student at ENS and Sorbonne Nouvelle. I have two comments and a question for Isabelle. You said that the demographic, that the ratio now in Israel is 1-2 as a result of a demographic race. I would just like to point out that I find that piece of information wrong, because it totally dismisses the catastrophe, Palestinian catastrophe in 1948, that resulted in the dispersion of 7 million. Now we have 7 million refugees in exile and not the diaspora, because these people are not allowed to go back to Palestine. I just find that a crime against history, that we just let this piece of information pass without any comment. The other thing, yes, you mentioned the Sabra, and I would also like to point out that the Sabra is an Arabic word from Sabbar. Sabbar is the cactus which has no fruit, but the Sabra is the fruit that's on the Sabbar, and this is a symbol in Palestinian literature and Palestinian poetry, and you can find it in the works of Tamam al-Akhal and the works of Ismail Shamut long before 1948. A question now about the violence that is practiced by Israel. I'm just questioning if you are interested in also investigating the situation of Israeli women soldiers, because from what I know and from what I've read and experienced, because I'm Palestinian and I come from Palestine and a descendant of refugee parents, there's a lot of violence inside the Israeli army against women. I'm just curious to see if you're interested in investigating that. Thank you. Stefan Miersos, University of California. I'm interested in construction of selves, and perhaps I want to first start asking Christine Condotta in this very interesting portrayal of Mrs. or Lady Nugent, which, you know, the way you presented to us was mainly based on her diary. You briefly mentioned in the end her children, and I think it would be interesting for us if you could elaborate a little bit more what you know about her intended audience for this text, because obviously the audience structures what kind of... or is important, what kind of self she constructs in that text. And similarly, others, I mean, I especially thought about the last paper by Marie-Paul Ha, whether you also worked with narrative sources in which individual women construct a specific self in response or based on the experience having participated in this migration to the colony, which is, I guess, a self probably different than the ones they left behind in the metropole. Je suis Anne-Marie Van Buxtel de Paris 8. My question is for Kristen again, and following what was just said, could you perhaps mention a little bit about what her other literary sources may have been, or if she was influenced by any other journal writers, and if in your assessment of her work there was any knowledge of that literary genre? Thank you. Donc, Françoise Thébault, j'ai une question de détail pour Isabelle. Vous avez parlé de l'acquisition de la citoyenneté politique par ces femmes immigrées en Palestine vers 1926-1927. Je voudrais comprendre dans quel statut, enfin, par rapport au statut de la Palestine, de quel droit politique il s'agit et à quel âge elles l'obtiennent, puisque les Britanniques, il y a eu des différences entre l'obtention par les femmes âgées de plus de 30 ans en 1920 et en 28, plus de 21 ans. Et une question aussi à Marie-Paul. Il se trouve que j'ai relu récemment des textes de Marguerite Duras et je voudrais savoir comment vous rendez compte du décalage entre le témoignage de Marguerite Duras sur la misère sociale de sa famille et ce que vous avez dit des privilèges, entre guillemets, hein, de ces institutrices venues de France par rapport à leurs homologues en France. Avoir deux questions pour Marie-Paul A. La première, c'est est-ce que vous avez des témoignages sur ce que les femmes françaises ont ressenti dans leur rapport avec les Vietnamiens, les Vietnamiennes en général et les Vietnamiennes en particulier. Deuxième question, celles qui sont venues en tant que personnel civil elles-mêmes, mais parfois, elles sont aussi épouses d'autres personnels civils, peut-être moins civils. J'ai par exemple le cas d'une professeure de collège, du collège Dong Khan à Hue, que je viens de présenter dans une contribution à Clio, et où j'ai montré que combien ses élèves vietnamiennes, les collégiennes vietnamiennes de ce collège, l'adoraient et lui étaient reconnaissants. Par contre, elle a connu une mort violente, justement parce que la population s'est vengée de son mari et pas du tout d'elle. Donc, quelles contradictions ces femmes françaises ont pu vivre en leur qualité personnelle et en qualité d'épouse de coloniaux. Je vais peut-être arrêter là. On a six questions et puis après, une première série de réponses et puis après, on reprendra les questions. On a encore beaucoup de temps. The first question is about the descendants of French women. In fact, in my research, I mean, you know, a very good example is Marie Duras. You know, she was, of course, the second generation, you know, since she was born and grew up in Indochina. And in fact, a lot of the these women, they settled there, they have children, a lot of the children actually stayed there. And for example, I have interviewed a number of these French women who left Indochina precisely after the Japanese occupation, and then some of them returned to Vietnam, and then again had to go back to the metropole. So I have a lot of sources on these descendants. And in fact, in relation to the second question about the narrative source of women, a lot of these women, later on, after they left Indochina, they actually written memoirs about their lives in Indochina. But obviously, when I read these texts, I have to be very careful because a lot of them is a lot of nostalgia. And it's very interesting. For example, there's one called Notre Indochine by Madeleine Jay and, you know, and her husband. In their preface, they explain why they wrote this memoir on Notre-Indochine. It was in reaction against the film L'Indochine. They were really very upset with the film, saying that the film was a big lie, that, you know, and they tried to justify the French presence in Indochina. So there's a lot, you know, recently, and I would say in the last 10 or 15 years, there's quite a bit of these writing. But still, even though they are autobiographical, I still feel that, you know, we cannot take the stories at face value, because, you know, it's a lot of agenda in it. Okay. And of course, you know, there are others who actually wrote about their childhood. You know, it's also a series of books that came out now about these French people who were either born in Indochina or who went there as very young children. And then, of course, because of the Japanese occupation and also the independence, they have to return to France. Okay, so they too wrote quite a bit of memoirs on this. And of course, the best example was Duras. Now, about Duras' narrative. In fact, the reason why I started this project is because I read Duras' novels and interviews. And at the time, I couldn't understand how, being a white person, that her mother could suffer so much. So, and then at the time, I actually wrote to the internet. You know, I belong to a group, a discussion group, and I asked people where I could find books on the history of French women in Indochina, and I was told that there wasn't any. So that's why I had to go to the archive, le Centre des Archives d'Outre-mer, because the only thing I knew about Duras is her mother was a teacher. And I wanted to find out about the real situation, because I just could not accept, you know, all this the story she told about her mother. So I went to the Centre des Archives d'Outre-mer in Aix-en-Provence, and you know, I had a hard time actually finding the sources at the beginning. But at the end, I did find her mother's file, and I find out you know, that in fact she was a teacher, and then I slowly find out about how teachers were, you know, that you know, the kind of life, you know, the kind of terms they enjoy. Now, after you know, completing the project, hindsight, I didn't think that Duras, yes, you know, you could say that she exaggerated the sufferings. On the other hand, I think that maybe she also compared her family with other French people. Of course, you know, if she compared her family, the condition of family with, for example, the conditions of the, you know, upper class French people, yes, you know, they maybe her family certainly was not as well off as those, you know, the families of upper level administrators. But of course, if we compare her mother's situation with the average Vietnamese of the time, they actually had a very good life, you know, that so. And in fact, in the dossier, I actually look at Marie Le Grand's dossier. No, she actually got a lot of help from the government, you know, like all these French nationals, you know. So I think that it depends on how you look at it, you know. From maybe at the time, you know, from Duras' perspective, you know, she did feel that her family, she described her family as like petit blanc. But I don't think, because they were really petit blanc in the colony, but I don't think that her family, her mother, belonged to the petit blanc. And then the question about the les témoignages, the rapport of the French woman with the Vietnamese. In fact, in a lot of the narratives, I mean, I actually find different sources. Some of the sources were, you know, the official dossiers of the French women. And in those dossiers, there was very little mentioning of the, you know, the French women's relationship to the Vietnamese, except, for example, in the dossier of those French women who work for the government, you know, especially the lower level position, they actually, for example, some of them, their job title was called lingère, but in fact, they didn't have to do any laundry. their job was actually to supervise, you know, the local women. But of course, in the dossier, there was very little mention of the actual relationship, except that in one case, in a few cases, I read the evaluation of the supervisors of these French women, and sometimes the supervisors complained that these women did not have the authority over the, you know, quote unquote native, you know, the people, the employees, okay, because they supervise them. And also that the native employees did not consider them as their racial superior. Okay, so which may tell us something about the relationship. And there was another example of a woman who was running a training program for local Vietnamese nurses, and apparently she forced her. The student nurses to buy all the old things that she brought from home, you know, like a toothpaste and you know, all the things that she used, and she forced them to buy them. And of course, it became, you know, like for some reason the supervisor find out, and then they were very upset with her. Okay, but on the other hand, some of the memoirs I read by these French men and women who live in Indochina, the majority of them actually said that they had very little relationship with the Vietnamese, okay? And a lot of them, and also, I also read interviews of these French women after they came back to France, and it's very interesting. They all said that they regretted it now, that they said that, oh, they really wish that they had more relationship with the local people. And I also, in my interviews with some of them, I asked them the same question. I said, do you have any relationship? Did they say no? And they said, yeah, they had some, you know, like they met some of these French, the Vietnamese student school, you know, because some of the Vietnamese students, they also went to the same lycée. But they said that they just saw each other at lycée, but after school they didn't have activity together. And I asked them why. They said, well, it's the différence culturelle. They always, you know, like explain in terms of cultural differences. That's the reason. So the last question about the particular case, I'm not quite sure about the question. Is that the contradictions between the situation of the woman and the position of his of her husband, for example? I haven't really come across any narrative of that. I'm really interested in knowing more about the case that you mentioned. In my readings of this personal narrative written by the women or some of the teachers, usually like for example, there's one woman. She was she taught in the lycée in the 1930s, and she was very negative about the Vietnamese students. You know, she said that she kept on calling them ces jaunes, you know, these yellow students, and you never know what they thinking about, the kind of thing. So I haven't come across the case that you mentioned. So. Thank you very much. I'll pass it on to you and then to Isabelle. Thank you for the questions. They're great. And actually having the two together really made me kind of think about this a little differently, but very positively. I would say first that I do think that Maria Nugent's journal was intended for children. I know sometimes people say that, but that's not really what they mean. Her journal actually, it is eventually published, but it's not published until I believe 1838, which is about 5 years after her death. And in all honesty, I'm not quite sure why it's at that moment. I could probably flesh it out a little bit and see, you know, what's going on in the British Empire. Did her children just find the journal at that time, you know, or And also with that, you know, did her children publish it because they saw it as a sort of social a social legitimacy or a family legitimacy for themselves? Or, you know, was it just published as kind of this anecdotal sketch of Jamaica? I believe 1838. It's definitely in the late 1830s. After abolition of slavery, yes, that's true. Which does kind of change the position of how Jamaica is being viewed at that time, too. But that being said, with her writing to her children, I think it does... I would say, too, that she's writing to her children, but it is very much also a self-construction. It is, I think, also she's writing at that time, and she is in an environment that is, I think, very intimidating when you're coming from any places in a different setting. But, you know, it's just... There were so many economic and geographical and demographical and the political situation at the time. It's a very frightening situation there for somebody kind of new coming into it. But I think, you know, and I kind of chose to present on one aspect of the journal today, but I think there's something else to her relationship with her children and, you know, wanting to preserve. She writes, she is pregnant with two of her five children during the time that she's there. So she is writing about her experiences being pregnant for the first time. And, you know, she doesn't talk about actually giving birth, but she talks about the kind of lying in afterwards and how much she really is doting on her children. So there is something of that, you know, trying to show that emotional attachment within the writing. And I think that there is also another story about just kind of, you know, illustrating the curiosities of Jamaica for her children in the future, kind of this land of their youth. Now, of writing for her children, I think you have to kind of not only think what Maria Nugent wanted to be like as a woman, but what she wanted to be like as a mother. And I'm going to talk about the literature first and kind of go into that, because there are two works in particular mentioned in her book or in her journal. And the first one, and I wish I could remember which explorer it is, but it's escaping me right now, but she does have one of these old explorer tales, and it's one of the kind of adventures in the East Indies, actually, that she references when she's entering the Caribbean Sea. That she's like, oh, it's just like in this book, and the you know, clean water, and it's obvious that she's read other travel narratives as well during her writings, because she talks about, for instance, the crossing the ceremony, the Neptune ceremony, about crossing the equator, and it isn't a shock. She kind of is expecting it coming, so she is familiar with these travel narratives. The other work that she mentions in her writing is that actually of Wilberforce, who's popular at the time, and how she mentions him is, and she's actually very sympathetic to his ideas, but what she brings in the idea of abolitionism, she's not sympathetic to abolitionism, but she is sympathetic, I guess, to Wilberforce, and what she tries to bring in much more that paternalist ideology by saying, oh, well, you know, the enslaved persons that are in my household, you know, we have a very family-like relationship. I provide for them, and, you know, they love me because I do that. But she says that, you know, on other plantations where I see that, you know, the masters and mistresses don't have, you know, control or don't have that relationship, that's where it gets a little bit unruly. But I think, you know, having that Wilberforce being in that kind of time of a sentimentality and those kind of appeals to feeling, that's also shapes, again, her relationship with her children, seeing it in that kind of... In that more sensible tone, and I think that does shape kind of how she writes about it. The other thing I was going to say with the travel writings too is that I don't think you can underestimate. I'm hoping maybe at some point I can find some inventory of her estate, either in of the governor's house or of her estate in Jamaica, and actually get a list of these books. But I don't think you can underestimate the really negative literary opinions of the British settlements in the West Indies at this time, and Maria Nugent is extremely aware of these, and you know, like I suggested in the paper, she does kind of play to them a lot, and she also plays to them to distance herself from them by emphasizing again the mixed sexual unions that are going on, and kind of, you know, she doesn't approve of them, and to emphasize, you know, how kind of lazy the overseers are on the plantation, or how poor the Englishes of the Creole women on the island, or something. So I hope that kind of answers your question. It is something that it needs a little bit more prodding too. Thank you. Oui, alors je vous remercie pour ces questions. Certaines se rejoignent un petit peu, notamment pour ce qui concerne la question de la démographie. Effectivement, en fait, il y a un encouragement très fort à la maternité qui se développe surtout dans les années 1930 et qui est assez largement lié au fait que là, il y a évidemment une tension croissante en Palestine, et en réalité l'indice de fécondité reste pour les femmes juives très proche de ce qu'il était au départ, c'est-à-dire proche de celui des Européennes, mais si vous voulez, les chiffres sont mis en avant pour précisément inciter à la maternité. Donc on les présente comme le résultat d'une course démographique qui est efficace et donc qu'il faut pérenniser, en quelque sorte. Et bien entendu, ça veut dire qu'on ne tient pas compte dans les chiffres d'autres éléments qui sont totalement, là aussi, puisque je parlais d'invisibilité, invisibilisés. Et en particulier, alors là, les chiffres que je donne se situent donc à la toute fin 47, début 48. Et donc, bien entendu, il n'y a pas du tout de prise en considération des expulsions et de ce qui se déroule, en particulier à partir de mars-avril 1948, et donc que vous évoquiez tout à l'heure. Donc, bien entendu, ça, c'est quelque chose qui est exclu. Alors, je comprends, effectivement, c'est vrai que c'est un peu délicat parce qu'on est dans un temps réduit de pas raccourcir certains éléments. Donc là, c'est bien de pouvoir y revenir. Effectivement, le combat démographique est un combat, un horizon, plus qu'un processus efficace. Donc là, cet écart reste très important. Je crois qu'autour de 1938-39, on doit avoir un indice de fécondité qui est de l'ordre de 2,3 pour les femmes juives de Palestine, alors que pour les femmes arabes de Palestine, il est autour de 5,6. Donc on n'est pas du tout dans cette compétition qui est lancée, mais qui est un but. Alors, je voudrais aussi, pour répondre à votre autre question, vous évoquez en fait le lien entre genre et nationalisme plutôt qu'entre genre et colonisation. Il me semble que les trois sont indissociables ici. C'est-à-dire que le sionisme, c'est à la fois un nationalisme de type européen et puis c'est aussi pratiquement une colonisation qui se met en place. Et donc, tous ces éléments interviennent. Et c'est vrai que on va y retrouver des éléments européens dans la manière de concevoir la centralité de la nation, par exemple. Et puis il y a les aspects donc de colonisation pratique. C'est le terme qui est utilisé notamment pour les Juifs qui viennent s'installer au début du XXe siècle, surtout, et pour créer des institutions nouvelles, etc. On a les deux qui sont à évoquer. Alors, vous parliez aussi des différences entre les vagues migratoires. J'avais tout à l'heure fait apparaître, effectivement, on a des différences dans la composition des vagues migratoires qui vont se répercuter en termes politiques et en termes de projets politiques notamment. C'est-à-dire que, effectivement, la vague migratoire la plus politisée, elle se situe autour de 1900, en gros entre 1910 et 1924. Donc c'est deuxième et troisième aliyot, mais En réalité, quand on parle d'ailleurs de vagues migratoires, c'est un petit peu pour parce que ça correspond aux données qui sont retenues dans les statistiques, mais il y a un flot qui continue. Hein, donc, c'est pas du tout une migration qui se produit uniquement au cours de ces vagues. Donc, la deuxième, notamment, vague, puisque c'est comme ça qu'elle est repérée dans le temps, est beaucoup plus celle de personnes qui font un choix politique, qui ont été souvent fortement politisées avant d'émigrer. En ce qui concerne les femmes, elles ont notamment, mais bon, les hommes aussi, mais c'est plus exceptionnel dans leur cas, participé à des... été membres de fermes de préparation qui existaient en Europe, aux États-Unis, où on préparait au départ en Palestine, dans un objectif qui est celui donc, du retour à la terre et donc évidemment aussi de conquête du travail et de la terre. Donc il y avait ces préparations. C'est beaucoup moins vrai à partir des années du milieu des années 20, où, comme je l'ai dit rapidement, il s'agit plus d'une migration qui, bon, bien sûr, il y a, si vous voulez, une forme de sionisme, mais le projet politique est différent. Il s'agit beaucoup plus aussi de fuir donc les pays européens et en particulier progressivement donc l'Allemagne. Au moment où il y a la montée donc, du nazisme. Et donc, on n'est pas tout à fait dans le même type de population. On va avoir des migrants qui appartiennent davantage aux classes moyennes, qui migrent beaucoup plus en famille. Et on a moins, par exemple, de femmes isolées qui vont migrer. Donc, on a des variantes assez fortes entre ces différentes vagues migratoires. Vous avez également évoqué les différences entre les courants du sionisme. Alors ça dépend, bien sûr il y a des clivages politiques très forts qui existent d'ailleurs là aussi avant le départ en Palestine et notamment dans ces centres de préparation que j'ai évoqués. Donc certains sont des centres révisionnistes, donc ce qu'on qualifierait de la droite, extrême droite, hein, qui est là... dans un nationalisme encore plus fort, si j'ose dire, hein, donc exacerbé, on va trouver des centres de préparation qui sont liés à ce révisionnisme, au mouvement qu'on appelle le Bétard, et puis des centres qui sont davantage donc marqués par l'idéologie révolutionnaire russe, par exemple, qui sont marxistes et qui sont plus proches de partis politiques marxistes. Et on va évidemment retrouver ces différences dans la communauté juive de Palestine. Mais pour ce qui est de la question des femmes, finalement, il va y avoir une espèce de consensus. Hein. C'est-à-dire que dans les deux cas, il y a un projet de nouvelle société. Et puis au milieu, il y a un courant qu'on a appelé les sionistes généraux, qui, eux, ne présentent pas ce projet de nouvelle société véritablement. Mais tous, en fait, vont converger vers une conception traditionnelle de la place des femmes. Et progressivement, elle va s'affirmer. Alors, elle était moins présente, par exemple, dans le sionisme travailliste. Hein, mais elle s'exprime aussi. Finalement, c'est elle qui va s'imposer. Et précisément, puisque vous m'interrogiez sur le lien nationalisme-sionisme, précisément parce que ce qui l'emporte. Avant le projet de société politique, de société nouvelle, c'est la dimension d'affirmation nationale, de construction de l'unité nationale. Et donc, par exemple, ça va être un obstacle très fort aux féministes. Pour les féministes qui vont avoir beaucoup de mal, les féministes donc juives de Palestine de cette période, donc surtout avant les années 30, vont en permanence être tiraillées entre l'engagement féministe et l'engagement sioniste, disons. Et c'est le second qui va l'emporter très clairement. Et d'où aussi ce renforcement du discours sur la maternité qui va s'exprimer. Alors, j'ai pas répondu à toutes vos questions, donc je vais bien sûr y revenir. Alors, vous avez... Oui, pardon. Alors, sur la question donc, du terme de Sabra, bien sûr, c'est, je pense, aussi une manière d'appropriation de symbole. Et là, j'étais, si vous voulez, je cautionne pas l'image du Sabra. Je dis simplement que c'est celle qui a été mise en avant dans la définition de ce qui doit être l'homme nouveau. L'Israélien nouveau en rupture là aussi avec la diaspora. Hein, c'est pas donc qu'il soit repris à la langue arabe, c'est bien sûr, mais simplement ça n'empêche pas qu'il soit utilisé et le fait que ce soit repris n'est évidemment absolument pas mentionné. Hein, donc c'est construit comme comme une spécificité et qui est si vous voulez, l'idée de mettre en avant à la fois la dureté, le côté piquant, défensif, et puis la douceur intérieure, c'est évidemment pour atténuer l'aspect précisément agressif, hein, de combiner les deux. Donc d'essayer de ne pas mettre en avant uniquement l'image du conquérant, de l'homme armé, etc. etc. Alors en ce qui concerne la question des femmes soldates, vous vouliez parler des violences contre les femmes soldates. Bien. J'ai pas étudié spécifiquement, je ne peux pas vous répondre exactement, mais c'est quelque chose qui est effectivement connu et qui émerge de manière assez récente, avec quand même un minimum de discours de contestation d'un certain nombre de pratiques militaires. Et ça a été aussi possible dans la mesure où il y a eu un renouveau aussi du féminisme, alors qui a été notamment au début des années 1970, mais plus récemment aussi depuis une vingtaine d'années, avec notamment l'émergence d'un féminisme oriental, ce qu'on appelle le féminisme misraï, qui conteste les valeurs qui ont été celles donc des premiers sionistes, qui conteste précisément la domination des valeurs militaires, etc. Et c'est chez elles qu'on va trouver davantage d'études, y compris d'ailleurs hein, chez ces féministes quand elles sont universitaires, sur les violences qui peuvent être faites aux femmes dans l'armée et dans l'ensemble de la société israélienne. Mais c'est quelque chose qui est apparu assez récemment, effectivement. Et juste une petite question, une petite réponse à Françoise Thébault sur le droit de vote qui a été en fait... il y a eu, si vous voulez, des combats, notamment avec une association féministe en faveur du droit de vote, qui ont fini par aboutir favorablement, mais qui, évidemment, concerne uniquement la communauté juive de Palestine et qui a été discutée après sa reconnaissance pendant plusieurs années, notamment parce qu'il y avait une opposition des sionistes religieux qui ont d'ailleurs obtenu qu'en fait les femmes, leurs femmes ne votent pas, mais que eux votent deux fois. Voilà. Donc c'était un, si vous voulez, c'est dans ce contexte-là de lutte, avec aussi dans ce cas, les clivages entre les féministes juives de Palestine ont été là transcendés dans ce combat, et c'est ce qui a aussi permis d'aboutir à la reconnaissance dans la communauté, et puis ensuite par les autorités britanniques qui ont reconnu le droit de vote. Voilà. Ah pardon, oui, alors voilà, pour les institutions pré-étatiques, c'est-à-dire à partir de 1920, il y a une assemblée d'élus qui est mise en place, qui va désigner, enfin, à partir de laquelle va être constituée une espèce de pré-gouvernement, et donc c'est à l'assemblée de ces élus que les femmes ont le droit de voter. Et d'être élu également. Donc c'est dans le cadre de ces institutions mises en place. Mais par exemple, c'est différent de ce qui se passe dans les municipalités, où là, c'est au cas par cas. Et jusqu'en gros, en 1941, les femmes dans les municipalités donc juives, détenues donc par les sionistes, eh bien, les femmes ne votent pas partout. Il faut attendre 1941 pour que ce soit le cas. Donc il y a une dissociation, hein, ce n'est pas un droit de vote général, c'est un droit de vote effectivement à l'Assemblée des élus. Merci oui, beaucoup. Marie-Paul, vous vouliez ajouter quelque chose oui, très oui, brièvement. Oui, voilà. C'est à propos des témoignages, des rapports avec des ou à propos des Vietnamiens. En effet, dans ces récits, les auteurs mentionnaient souvent le rapport avec les domestiques. Alors, c'est très fréquent. C'est de la loyauté des domestiques. Les domestiques vietnamiens avaient des très bons rapports. Et puis, surtout, les enfants, ceux qui ont grandi en Indochine, ils disaient souvent qu'ils avaient des rapports très affectueux avec ce qu'ils appelaient les tiba, c'est-à-dire les femmes qui s'occupaient d'eux.